Chapitre 6e. Littéralement enfoui sous un impénétrable monceau de verdure, le proscrit et le vieux nègre attendirent longtemps le moment de la délivrance. Cette idée d'enfouissement, évoquant l'image de mineurs disparus dans les ténébreuses galeries d'une houillère, pourrait tout d'abord paraître bizarre, appliquée à un séjour en forêt. Le mot et l'idée n'ont pourtant rien de bien exagéré. C'est que les expressions les plus hyperboliques, entassés comme à loisir, les métaphores les plus audacieuses, les qualificatifs les plus énergiques, sont à peine suffisants pour exprimer l'impression d'écrasante stupeur, d'implacable isolement, produite par certains coins de ces solitudes. Imaginez-vous des zones feuillues se stratifiant à l'infini, au point de former des montagnes, des plans de troncs énormes se doublant, se décuplant, se centuplant, et devenant des murailles, des lianes accrochées à tout cela, comme la trame d'une draperie sans fin, et vous ne pourrez rêver d'abîmes insondables, de galeries de mines sans lumière, de souterrains humides qui puissent rivaliser avec ce décor élaboré par la nature équatoriale, féconde jusqu'à la monstruosité et qui s'appelle la forêt vierge. Connaissez-vous ces ruelles sombres du vieux Paris, aux maisons lépreuses, aux pavés gluants, à l'atmosphère fade, qui s'appellent la rue Maubuée, la rue de Venise ou la rue de Brantôme? Jamais le soleil ne sèche le ruisseau fangeux. Jamais le roulement d'une voiture ne s'y fait entendre. La nuit, les réverbères semblent y agoniser. Votre œil a-t-il plongé, du haut d'une maison, dans ces cours étroites, noires comme des puits, au fond desquels s'agitent confusément des êtres dont on ne peut que deviner la forme sans la distinguer? Et pourtant, à quelques pas de ces cloaques, circulent à flot l'air et la lumière, et les splendeurs de la grande ville s'étalent dans un perpétuel flamboiement. Tels les grands bois de la Guyane qui recèlent au milieu d'incomparables merveilles végétales des coins perdus, non moins obscurs, non moins désolés, plus lugubres encore. C'est que deux forces créatrices d'une incommensurable intensité se trouvent en présence. D'un côté, le soleil de l'équateur dont les implacables rayons surchauffent cette zone torride, la bien nommée. De l'autre, un terrain gras, humide, formé de séculaires débris organiques et saturé jusqu'à la pléthore de principes nutritifs. La graine, humble embryon de colosse, germe en un moment dans cet humus productif jusqu'à la prodigalité. Elle se développe à vue d'œil dans cette immense serre chaude et devient arbre en quelques mois. Sa cime s'allonge, son tronc, grêle et rigide, monte comme un tuyau d'appel, par lequel le soleil semble aspirer les sucs de la terre. Le jeune arbre veut de l'air. Il lui faut de la lumière. Ses feuilles pâles, anémiques comme celles qui végètent dans les souterrains, ont besoin de cette chlorophylle qui est leur matière colorante, comme l'hématosine est celle du sang. Le soleil peut seul la leur fournir. Aussi, leur unique fonction est-elle de monter toujours afin d'aller chercher ces ardents baisers. Nulle force ne saurait arrêter cet élan. Elle troue l'opaque voûte de feuillage et ajoute une nouvelle goutte à cet océan. Ces phénomènes de végétation sont étranges, stupéfiants. Il faut, pour s'en faire une idée, avoir erré sous ces vastes rabots qui font corps ensemble là-haut, près des nuages, et avoir escaladé ou contourné ces monstrueuses racines où s'élabore sans cesse le mystérieux enfantement de la vie. Ah, combien est petit l'homme qui se meut péniblement dans ce formidable fouillis, comme sa marche est lente à travers cette colosse. Et pourtant, il avance. La boussole d'une main, le sabre d'abattis de l'autre, évoquant par son travail de sape la pensée d'une fourmi qui réussirait à percer de son aiguillon le flanc d'une montagne. C'est dans ces catacombes végétales que vécurent, presque sans avoir la notion du temps, nos deux héros, après le double malheur dont ils furent frappés. L'air et la lumière leur manquaient aussi. Nul chant d'oiseau ne troublait ce silence de tombeau. Les hôtes ailés de la forêt ne s'aventurent pas dans de semblables cavernes redoutées des fauves eux-mêmes. Pas d'herbe, encore moins de fleurs sur ses racines, qui suintent comme la base des piliers de cathédrales gothiques, mais des mousses glissantes, verdâtres, gonflées ainsi que des éponges et sous lesquelles grouille tout un monde de serpents, de lézards, de crapauds, de scolopendres, d'araignées crabes et de scorpions. Ils demeurent près d'un mois dans cet antre de la fièvre où la vie semblait impossible, car c'est à peine si la flamme de leur foyer trouvait assez d'oxygène dans cette atmosphère appauvrie. Ils existèrent à la façon d'un brasier qui se consume à l'étouffer. De deux jours en deux jours, Robin allait aux provisions et rapportait de la bâtie des ignames, des patates, du maïs et des bananes. Triste restauration en vérité, suffisante à peine pour empêcher la douloureuse torsion de leurs viscères, pour entraver l'œuvre mortelle de la faim. Heureusement que l'existence humaine possède parfois d'étonnantes ressources. Les deux reclus attendaient vainement d'heure en heure un signal, quand un beau matin, Robin, qui pour la 15e fois suivait le cours vaseux du ruisselet, sursauta comme à la vue d'un reptile. Un léger canot, armé de 4 pagaies, flottait devant lui, amarré à une grosse racine. Plus de doute, c'était bien cette pirogue, construite par lui et Casimir, qu'il avait nommée l'Espérance et qui avait si singulièrement disparu. Par quel mystérieux concours de circonstances se trouvait-elle si bien à point et toute parée à partir? Un gros régime de bananes bien mûres l'emplissait au centre. Quelques ignames et des patates cuites sous la cendre. Et chose plus étonnante encore, une douzaine de biscuits avec un flacon de genièvre complétaient cet approvisionnement. L'embarcation devait avoir été submergée depuis le jour de sa disparition, car ses parois humides et encore vaseuses se couvraient par places d'une légère couche de végétaux aquatiques. Sans s'arrêter à ce que ce fait avait d'insolite, le proscrit, préparé à tout, ne songea qu'à sortir de son humble réduit, quitte à chercher plus tard le mot de l'énigme. Il revint en courant. « Casimir, nous partons !»« Et quel côté ça, compé, nous, Calé ?»« De quel côté allons-nous, compère ?»« La pirogue est retrouvée. Elle est là, tout près. Cela veut dire, à n'en pas douter, que la crique est libre, que nous pouvons quitter cette terre maudite, que nous pouvons enfin nous élancer sur le Maroni. »« Ça, bon !» Bouquet à l'écoute où ? C'est bon, je vais avec vous. » Raconter la série d'interjections, de formules d'étonnement, patoisées par le bonhomme, serait superflu. Mais s'il parlait beaucoup, il agissait de même. Sa jambe éléphantiasique semblait ne pas peser plus que l'autre. Il trottinait, le pauvre cocobé. Il fit tant et si bien qu'il réussit à embarquer en même temps que son compère. Une joie d'enfant se peignit sur son visage atrocement fouillé, quand il put assurer de ses doigts ergotés le manche d'une pagaie. L'esquif, sollicité par les deux hommes, glissa lentement entre les herbes qu'il frôla légèrement et descendit jusqu'à la grande crique. Rien de suspect n'entravait leur manœuvre silencieuse. Il revoyait enfin la lumière. Les yeux bien ouverts, les muscles tendus, l'oreille au guet, ils avançaient en enfonçant doucement leur pagaie, évitant de heurter la coque et de faire clapoter l'eau. Ils passèrent près d'un chantier en exploitation, mais que les travailleurs semblaient avoir momentanément déserté. La pirogue côtoya d'énormes pièces de bois, flottant amarrées à des futailles vides et s'en allant, seule, au gré des flots vers le Maroni. Tout était pour le mieux. Dans quelques minutes, la passe dangereuse serait franchie. La Sparwine s'élargissait en estuaire. On apercevait le fleuve. Les fugitifs stoppèrent un moment, regardèrent de tous côtés, inventorièrent minutieusement les moindres anfractuosités formées par les terres, les racines et les troncs. Rien de suspect ne leur apparut. « En avant donc, et à toute vitesse !» dit à voix basse Robin. Le batelet fila comme une flèche sur les eaux du Maroni, dont l'autre rive apparut aussitôt, éloignée de près de 3 kilomètres. Les deux compagnons commençaient à se croire enfin en sûreté. 400 mètres environ les séparaient déjà de cette terre inhospitalière, quand des cris de rage mêlés à des imprécations retentirent derrière eux. Puis un coup de feu, la balle, mal dirigée, fit jaillir l'eau à plus de 20 mètres. « En avant, Casimir, en avant !» siffla Robin en se courbant sur sa pagaie qui plia. Les cris répercutés sur la surface liquide arrivaient distinctement aux oreilles des canotiers. « Arrête, arrête ! Aux armes, aux armes !» Un second coup de feu, puis un troisième, ponctuèrent cette brutale injonction. Le proscrit tourna la tête et vit un canot armé de 4 avirons se détacher de la rive et prendre la chasse. « Courage, ami, courage, nous gagnons sur eux !»« Oh, les bandits !»« Ils ne tiennent pas encore. D'ailleurs, ils ne mourront pas vivants. »« Ça même, Mokale, Sami Chamboun, Sapatini nous !»« C'est ça, je vais aussi. Ces méchants hommes-là ne nous tiennent pas, non !»« Gouverne sur l'îlot, là, en face, comme si nous voulions aborder. Oui, compé !»« Ou qu'à parler bon, bon !» Quand nous le toucherons, nous obliquerons, puis nous passerons derrière. Nous serons au moins pour un moment à l'abri des balles. » La distance entre l'Espérance et l'îlot diminuait rapidement en raison d'ailleurs de l'intensité de la poursuite qui continuait toujours acharnée, implacable. Les détonations d'armes à feu se succédaient sans grand succès jusqu'au moment où la pagaie de Robin fut fracassée par une balle. Il étouffa un cri de rage, saisit une pagaie de rechange et leva la tête. À son exclamation, répondit l'appel désespéré qui jaillit de la gorge de sa femme quand elle le reconnut. Il vit une forme noire s'abattre sur le sable, des enfants s'agiter et perdus, des nègres gesticuler. Un homme vêtu à l'européenne s'élança. Ceux-là n'étaient pas des ennemis. Cette plainte déchirante n'était pas une menace. Mais cette femme, ses enfants, en pareil lieu, grand Dieu! L'espérance n'était plus qu'à 80 mètres. Le fugitif, rigide comme une barre d'acier, les muscles contractés jusqu'à la catalepsie, produisit un de ces terribles efforts sous lesquels un organisme humain se brise quand l'obstacle résiste. La pirogue vola sur la vague. Sa coque érailla le sable dans lequel son avant s'enfonça légèrement. D'un élan de tigre, Robin bondit sur le sol, souleva sa femme inanimée, contempla, de ses yeux dilatés par l'épouvante, les enfants muets et terrifiés. L'ennemi avançait rapidement. Le proscrit aperçut du même coup Nicolas qu'il reconnut, le nègre Bonny appuyé sur son fusil et le grand canot recouvert de son abri de feuilles. « Monsieur Robin !» hurla le Parisien. « Nicolas, à moi, au canot ! Tiens bon, et vous autres, restez là » cria-t-il au matelot hollandais. Il dit, et tenant dans son bras gauche sa femme inerte, il saisit à pleine main son plus jeune fils par ses vêtements, s'élance vers l'autre pirogue, les y couche, pendant que Nicolas accourt avec les trois autres, suivi du vieux Casimir. « Embarque !» dit-il d'une voix brève. Le Bonny obéit également, sans mot dire. « Les pagayes !» Un matelot hollandais les lui tend. Casimir prend place à l'avant, Robin s'installe sur le second banc, le Bonny s'arc-boute à l'arrière. « Pousse !» Le canot démarre. Pendant que les doux nègres de Suriname, stupéfiés par cette scène étrange, restent sur l'îlot avec l'espérance échouée. Le Bonny comprend la manœuvre. Il vire aussitôt et contourne l'île. Les assaillants disparaissent. Robin a heureusement reconquis son avance au moment où les gardes chiourmes s'aperçoivent que les deux hommes du Tropic Bird sont seuls. La poursuite recommença bientôt, mais sans chance de succès. La pirogue, il est vrai, était plus pesamment chargé que jadis l'embarcation des fugitifs, mais la présence du nègre Bonny était un rude appoint. Il valait à lui seul un équipage. Malheureusement, il n'était pas hors de la portée des carabines, et Robin, l'homme intrépide que le péril ne pouvait émouvoir, tremblait à la pensée des êtres chéris qu'il venait de retrouver si miraculeusement. Courbé sur sa pagaie, concentrant toutes ses facultés dans la manœuvre qui devait assurer le salut commun, le pauvre père pouvait à peine jeter à la dérobée un regard de tendresse, sur les petits tout frissonnant de peur. Leur mère reprenait lentement ses sens, grâce aux infusions d'eau froide que Nicolas, plus zélé qu'habile, faisait sans interruption. « Sauvé, il est sauvé » balbutia-t-il enfin. « Père, père !» cria l'aîné des fils, Henri. « Ils vont tirer encore !» L'enfant n'avait pas achevé qu'une balle frôlait la coque et faisait jaillir en pluie l'eau du fleuve. Alors Robin, qui n'avait pu encore serrer dans ses bras cette femme héroïque, qui avait tout bravé, ces petits êtres que son cœur appelait depuis si longtemps, se sentit envahi par une colère terrible contre ceux que le plus élémentaire sentiment d'humanité ne pouvait apaiser. Il avait pardonné à Benoît, son bourreau, il l'avait sauvé, lui seul était en cause, mais aujourd'hui l'on menaçait les siens, une balle pouvait les frapper là, devant lui. Un nuage de sang s'étendit sur ses yeux, une fièvre de meurtre lui monta au visage. Au risque d'entraver la fuite, il saisit le long fusil du Bonny. L'arme était chargée à plomb. Le noir, devinant sa pensée, sortit de sa bouche deux balles qu'il mâchonnait et les fit glisser dans les canons. « Bandit sans cœur et sans entrailles !» cria le proscrit. « N'avancez pas ou je vous tue !» Les argousins, dominés par son attitude et craignant tout du désespoir d'un tel homme, abaissèrent leurs armes. Ils allaient d'ailleurs, bon gré mal gré, être forcés d'interrompre leur chasse, car les bouillonnements de l'eau annonçaient la présence d'un rapide. La pirogue était en vue du saut Hermina. Le Bonny Angosso était seul capable de remonter cette barre de récifs sur lesquels le flot se brise et roule en cascade écumante. En deux coups de pagaie, il vira sur place et se trouva à l'avant. Casimir et Robin se retournèrent sur leur banc pour nager de l'avant, et leur père put enfin voir ses chers enfants et leur vaillante mère. Le petit Charles, inconscient du danger, battait des mains et paraissait ravi. Laissons-les un moment au bonheur du premier épanchement et expliquons en quelques mots comment Robin et le lépreux se trouvaient au saut Hermina, quand en réalité ils eussent dû l'atteindre seulement 4 heures au moins après leur sortie de la crique. C'était grâce à une confusion de noms que l'ignorance du proscrit relativement à la région géographique rendait suffisamment admissible. Le transporté Grondet avait été de bonne foi quand il avait dit que le cours d'eau était bien la Kriegsparwein, mais il se trompait. Le chantier où il travaillait en qualité de chercheur de bois était détaché du pénitencier et situé à 15 kilomètres plus haut. Comme les hommes chargés de ces deux exploitations n'avaient entre eux que de rares communications, Grondet ignorait jusqu'alors l'existence de la première. Le chantier numéro 1, portant également le nom de Sparwine, le transporté en avait conclu qu'il tirait son nom de la rivière qui le traversait et qui s'appelle en réalité la crique de Sakura. De là son erreur quant à la proximité du rapide. L'îlot qui porte le nom de Sointi Kazaba se trouve à 15 km de la Sparwine et émerge en regard d'un autre cours d'eau situé sur la rive hollandaise. Ce cours d'eau était encore inconnu à cette époque. Il a été dénommé seulement en 1879 Creek Ruiter parmi ce Casal et la Bourdette, deux Français qui exploitent les terrains aurifères de la rive gauche du Maroni. La marée qui se fait sentir jusqu'à ce point, éloignée de 95 km du littoral, poussait les fugitifs vers le Sault et Hermina. Les surveillants ne pouvaient raisonnablement espérer leur monter avec leur embarcation à Quille et à Gouvernail. Ils se fussent fatalement échoués dès le début. Ils durent se contenter de suivre d'un œil d'envie, et non sans pousser d'inutiles imprécations, la légère pirogue qui s'avançait avec la vélocité d'un poisson. Le Sault Hermina est de tous les rapides du Maroni le moins difficile à franchir. En effet, la barre rocheuse qui forme une sorte d'écluse naturelle a environ 8 à 900 mètres de largeur et la différence de niveau n'est que de 5 mètres. La pente est donc insignifiante. Il n'en faut pas moins une extrême habileté et un canot spécial sans quille, sans gouvernail, relevé à l'avant et à l'arrière pour opérer sans encombre la traversée. Le Bonihongasso, familiarisé depuis l'enfance avec cette difficile manœuvre, contournait les pointes aiguës de roches sombres, choisissait tel ou tel chenal et n'engageait jamais la pirogue sans s'être assuré du passage. De temps en temps, le remous secouait comme un fétu la frêle embarcation qui menaçait de s'en aller à la dérive au grand effroi des enfants, mais un coup de pagaie la remettait en bonne route. Anne Gosso, qui patoisait un peu le créole, expliquait à Robin qui l'écoutait distraitement que là-haut, il y avait des rapides bien autrement redoutables. Le Osinga Tete, entre autres, situé un peu au-dessous du point où la réunion de l'Awa et du Tapanaoni forment le Maroni. La descente surtout est terrible. Les eaux resserrées entre les roches s'élancent en mugissant des chenaux trop étroits, se tordent en écumant, roulent en cascades bruyantes et s'engouffrent dans d'autres défilés pour en sortir en épais tourbillons et en produisant un tapage infernal. Cette descente du Singa Tete, dont le nom signifie en boni « l'homme est mort », est donc particulièrement périlleuse. Les canotiers abandonnent leurs pagaies. Deux seulement manœuvrent, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ils saisissent chacun une longue et solide perche, nommée Takari, dont ils appuient une extrémité sur leur poitrine. Le canot, emporté comme une plume, bolle sur la crête d'une lame. Des torrents de poussière diamantée, produits par l'eau qui se pulvérise sur les brisants, aveuglent les passagers couchés et cramponnés des deux mains au bordage. La frêle embarcation projetée sur une pointe de récif par l'irrésistible courant va se briser. L'homme de l'avant s'arc-boute, pose l'extrémité antérieure de son takari sur le roc et reçoit sans broncher le choc sur sa poitrine qui sonne comme un tam-tam. Le péril est conjuré pour une minute. La manœuvre recommence, exécutée tantôt par l'un ou par l'autre des deux compagnons, et généralement avec un égal succès. Enfin, après 5 ou 6 minutes de véritables angoisses, le voyageur, trempé, assourdi, crispé, respire à l'aise sur une eau tranquille et conserve pour la vie un ineffaçable souvenir de cette course vertigineuse, ponctuée à chaque instant par les coups sourds du takari contre la poitrine des guides. Mais le moment n'était pas encore venu pour Anne Gosso d'utiliser ses talents de canotier gymnaste. La pagaie suffisait. Tout en fouillant de son œil d'enfant de la nature le fond des eaux tourmentées, le brave garçon apercevait de temps à autre quelques superbes kumaru qui se jouaient dans le courant et il se disait que cet admirable poisson, à la chair exquise et fondante, à la graisse parfumée, serait de bonne prise. Il jetait un regard d'envie sur son grand arc en bois de lettres, long de plus de 2 mètres, avec lequel il décochait si bien une immense flèche à 3 pointes qui ne manquait jamais son but. « Hélas, mouché blanc, madame Lee, piti moun blanc, content parti kaba, l'y pressait trop beaucoup, et un gosseau pas pouvait flécher Kumaru. La chaleur était accablante. Pour comble de malchance, la marmite avait été renversée lors de la brusque apparition de Robin sur l'îlot, et telle fut la précipitation avec laquelle s'opéra l'embarquement, qu'il n'y avait pas à bord un gramme de substance alimentaire. La loquacité de Nicolas était bientôt tombée. Son estomac criait famine. Les enfants, engourdis au fond du canot, à demi suffoqués, poussaient de plaintifs gémissements. Les pauvres petits n'avaient pas mangé depuis longtemps, et rien, rien qu'un peu d'eau tiède puisée dans le fleuve, dont l'absorption excitait leur soif plutôt que de la calmer. Leur souffrance devenait intolérable. Il fallait aborder, d'autant plus que le rapide était bien loin et que les angoisses avaient depuis longtemps disparu. Les Robinsons de la Guyane n'avaient plus rien à craindre des hommes. En revanche, ils se trouvaient déjà exposés à toutes les horreurs de la disette. Enfin, n'y tenant plus, brisés de fatigue, sans souffle, haletant dans cette fournaise, les entrailles tordues, ils se prirent à pleurer, et le plus jeune laissa sortir de ses petites lèvres desséchées ce cri lugubre. « Père, père, j'ai faim !» Ce cri douloureux, articulé par le plus faible, fit frémir Robin. La mère, épuisée elle aussi par les secousses morales et le besoin, regarda son mari d'un air soucieux. Il fallait en finir au plus vite, sous peine d'un danger immédiat et mortel. « Casimir, dit brusquement le proscrit, nous allons rallier la côte. Il nous est impossible d'aller plus loin. Ces enfants demandent à manger. Dis, que faut-il faire? Je suis prêt à tout. La fatigue importe peu. Je réaliserai l'impossible. Nous Kalekaba, répondit le vieillard après un rapide colloque avec Angoso. La pirogue obliqua en formant avec la rive droite un angle aigu et aborda au bout d'une demi-heure à une petite anse perdue au milieu des grands arbres et à laquelle donnait accès un imperceptible chenal d'un mètre à peine de large. « Oh, compé, mot content, mot bas et petit moun morceau, dit lait avec jaune d'œuf. Je vais donner aux enfants du lait et des jaunes d'œufs. » Robin regarda son compagnon avec inquiétude. Il crut qu'il perdait la tête. Quant à Nicolas, qui n'entendait rien au patois créole, il avait saisi deux mots, lait, jaune d'œuf. Le pauvre vieux déménage. Je ne vois ni oiseau, ni chèvre, ni bâche. Il y a moins que ces arbres ne soient des poules pondeuses ou des vaches laitières. Je me demande comment il va se tirer d'affaire. » En quelques coups de sabre, envoyés avec la dextérité d'un maître de contrepointe, le bonny avait jeté à terre une épaisse jonchée de feuilles de maripa et de waï. Planté en terre deux pieux, les joindre par une traverse, appuyer sur celle-ci en ovant les plus longues et les plus épaisses, fut pour lui l'affaire d'un moment. En 3 minutes, un ajoupa était construit pour la mère et les enfants qui s'étendirent sur un bon matelas de fraîche frondaison. Robin piétinait d'impatience, malgré la rapidité des évolutions du noir. Ce dernier tira de sa pirogue 2 couilles bien imperméabilisées avec une couche de goudron végétal, nommée mani, et tirée du moronobea coccinea. Puis, avisant 2 arbres magnifiques, aux troncs lisses, roussâtres, hauts de plus de 30 mètres, il en tailla en biais l'écorce à quelques centimètres du sol. Ô merveille ! Qui stupéfia positivement le brave Nicolas. Les plaies se couvrent instantanément de gouttes larges, épaisses, blanches, qui se réunissent et s'écoulent en 2 filets jusque dans les vases où les conduit la déclivité de la coupure. Mais c'est du lait, du vrai lait ! Oh, par exemple ! Qui se serait douté d'une chose pareille ? Dit-il en s'emparant d'un couilli. Tiens, mon petit Charles, bois, du bon lait, tout frais tiré. L'enfant porta avidement le vase à sa bouche et but à longs traits la bienfaisante liqueur. « C'est bien bon, n'est-ce pas, mon chéri ?»« Oh oui !» dit le bébé d'un air convaincu. « Donne aussi à maman, puis à Eugène, puis à Edmond, aussi à Henri. » L'autre récipient débordait déjà. La distribution continua, et quand tous furent bien désaltérés et un peu restaurés, Nicolas but à son tour avec une expression si comiquement heureuse que chacun, y compris Robin, se mit à rire, mais à rire de bon cœur. C'était la première fois depuis longtemps. Savez-vous bien, patron, que je n'ai jamais rien goûté de pareil? Du lait d'arbre? On n'a pas l'idée de ça à Paris, où l'on fabrique du lait avec de la cervelle, de l'amidon, du blanc de meudon et de l'eau pas toujours très propre. Ma foi, je vous avouerai entre nous que je commence à croire qu'ils vont nous trouver des œufs. Eh bien, voici un arbre que je reconnaîtrai. Je voudrais bien savoir son nom, par exemple. On ne m'a pas appris beaucoup de botanique à l'école primaire. « Ça, balata, » dit Casimir. « Comment ? interrompit Robin. « C'est le balata, l'arbre à lait ?»« Mimosops balata ?»« Je serais passé bien souvent près de lui sans le reconnaître. »« Vois-tu, Nicolas, il ne suffit pas d'étudier uniquement dans les livres. »« Ça, c'est vrai. Il faut la pratique. »« La pratique, voyez-vous ?» Il s'interrompit brusquement et pour la cause. Un objet rond, de la grosseur d'une reine Claude, s'était détaché de l'arbre sous lequel il se trouvait et était tombé juste sur son salako. Il leva la tête et vit Angosso, qui perchait sur une des maîtresses branches, riait jusqu'aux oreilles de la bonne farce qu'il venait de faire. « Le jaune d'œuf !» s'écria-t-il, joyeux, en ramassant l'objet en question, rond comme une boule, ferme et d'une belle couleur orange. « Ou qu'à manger ?» dit Casimir. « Là, bonbon !»« Ça ne sera pas de refus. D'autant plus qu'il y en aura largement pour tout le monde. On peut au moins être sûr qu'il n'est pas couvé, celui-là. » Et le brave garçon mordit à pleine bouche dans la pulpe qu'il croyait pouvoir avaler d'une bouchée. « Aïe » fit-il avec une grimace. « Il y a le poulet dedans. »« Comment, le poulet ?»« Manière de parler. » »« Le petit de cette poule couveuse de 100 pieds de haut est un noyau et un dur, je vous assure. J'ai cru que mes dents allaient y rester. »« Tiens, c'est drôle. Ce noyau n'est pas pareil des deux côtés. Une de ses faces est lisse comme l'ivoire et toute miroitante, tandis que l'autre est pleine de petites aspérités très curieuses. On dirait que c'est travaillé à la main. » Est-ce mangeable, au moins? Ce n'est pas plus mauvais qu'autre chose. Un peu sec, friable, mais savoureux. Ma foi, si ça ne vaut peut-être pas un véritable jaune d'œuf, mon estomac s'en accommode fort bien. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous en assurer vous-même, termina-t-il en se sauvant pour éviter l'averse que le bonnet faisait dégringoler. Le jaune d'œuf, c'est le nom sous lequel on le désigne en Guyane, fut déclaré excellent par tous les membres de la petite colonie qui s'endormirent bientôt, nous parlons des enfants, d'un profond sommeil. Robin, à peu près restauré par l'ingestion de ce bizarre repas, envisageait le lendemain avec inquiétude. Il savait bien que cette nourriture bonne pour apaiser un moment la faim serait bientôt insuffisante. Les enfants et leur mère avaient besoin d'aliments toniques, surtout sous cette latitude où l'anémie règne en maîtresse souveraine. Angosso, la providence du jour, le tira de sa préoccupation. « Moquer en ivry cric !» dit-il sans préambule. « Comment dis-tu ? » interrogea le proscrit, qui crut avoir mal entendu. « Moquer en ivré cric, pour gain poisson, enivrer avec Nicou. Nicou là, trop beaucoup. »« Je vais enivrer la cric, pour avoir du poisson, avec du Nicou, il y en a beaucoup ici. »« Ça même, » renchérit Casimir, « poisson content Nicou, l'y boire, et puis l'y sou, passé indien. »« C'est ça, le poisson aime le Nicou, il boit, puis il est plus ivre qu'un indien. »« Et après ?» Nous prends lit, boucaner lit, tout manger lit. Je ne sais ce que tu veux dire. Enivre donc la crique, mon cher, et fais pour le mieux. Puis-je être bon à quelque chose? Ou fique à côté madame, côté petit moun, Bonny chercher Nicou ou Kaba. Restez avec madame et les enfants. Le Bonny va chercher le Nicou. L'absence du noir dura une heure au moins, et Robin commençait à trouver le temps bien long quand Angosso parut, chargé comme un mulet de contrebandier. Mais à l'encontre de ce solipède aimable, auquel on fait une injuste réputation d'entêtement, et qui porte son fardeau sur les chines, le biman équatorial tenait sur sa tête un énorme monceau de lianes fraîchement coupées. Il y avait bien 40 kilos de tiges sarmenteuses, à l'écorce brune, sectionnées en tronçons de 50 centimètres, et réunies en bottelettes analogues à celles que confectionnent nos vignerons avec le plant de vigne. Il tenait en outre à la main un petit bouquet de feuilles et de fleurs jaunes que Robin, botaniste de la veille, reconnut aussitôt. « Ça, bois enivré, » dit-il, en laissant tomber sa charge et en poussant un profond soupir de soulagement. « Nicou !» renchérit Casimir, joyeux. L'aîné des enfants s'éveillait à ce moment et avançait curieusement la tête. Son père l'appela. « Tiens, mon petit Henri, voici une occasion doublement favorable pour étudier la botanique. Nous allons sans doute passer ici bien des jours, peut-être de longues années. » Demandant à la nature seule notre subsistance. Il nous faudra bientôt la connaître à fond afin d'en pouvoir utiliser fructueusement les ressources. Le besoin de vivre activera encore le désir de nous instruire. Tu me comprends bien, n'est-ce pas, mon enfant ? Oui, père, répondit-il en fixant sur ceux du proscrit ses yeux intelligents et doux. À l'aide de cette plante, dont je reconnais l'espèce et la famille, mais dont j'ignorais jusqu'à présent les propriétés, nos compagnons prétendent nous procurer une grande quantité de poissons. C'est là une précieuse ressource dont nous devons apprendre à tirer parti pour l'avenir. Ces fleurs et ces feuilles, tu les reconnaîtras bien. L'enfant prit le bouquet des mains d'Angosso, regarda bien attentivement, fit comme un effort pour fixer dans sa mémoire les formes et les nuances. Robin continua. « C'est une légumineuse, dont l'acacia est un des types. Par un bien singulier hasard, cette plante qui va assurer notre vie porte notre nom. C'est le Robina Nicou, ainsi appelé par mon homonyme Robin, jardinier de Henri IV, qui donna son nom à la famille des Robiniers. Le mot indigène de Nicou a été ajouté par Roblet, je crois, pour désigner la variété que nous avons devant les yeux. Tu as bien compris, et tu te souviendras. Oui, père, je reconnaîtrai toujours le Robinia Nicou. Moucher ou Cavigny ? Interrompit Angosso, qui, pendant ce colloque, avait coupé le courant d'un léger barrage formé de branches feuillues. Le Bonny avait déposé dans le canot ses paquets de lianes. Il fit embarquer le père, la mère et les quatre enfants avec Casimir et Nicolas. Il saisit la pagaie et franchit rapidement l'anse formée par l'embouchure de la crique et que celle-ci traversait comme le Rhône le lac de Genève. Puis il vint aborder de l'autre côté dans le lit du ruisseau qui remontait en pleine forêt. Un nouveau carbet de feuilles fut aussitôt construit en quelques minutes. Puis, cet indispensable préliminaire de toute halte en forêt étant terminé, Angosso se mit en devoir d'enivrer la crique. Quelques roches rougeâtres, criblées comme des éponges, appelées ici roches à ravet, émergeaient sur une dérive. Il s'accroupit sur l'une d'elles, saisit une botte de Nicou, la trempa dans l'eau, l'assujettit sur une autre roche et de sa main droite, armée d'un court et solide gourdin, frappa comme un sourd sur les sarments qui furent bientôt réduits en bouillie. La sève se répandit de tous côtés et teignit les eaux en une belle couleur d'opale. « C'est tout ?» fit Robin. « Oui, Moucher, » reprit l'homme en continuant rapidement sa besogne. « Alors je puis t'aider, si ce n'est pas plus difficile que cela. » Et joignant l'acte à la parole, le proscrit s'empressa d'imiter son sauvage précepteur. Toute la provision y passa. Les eaux de la crique devenaient laiteuses, se mêlèrent bientôt en tournoyant lentement à celles du petit lac. Elles devinrent nacrées à leur tour. « Ah, ça, bon, bon. Nous qu'attend des morceaux, Carva. C'est très bien. Attendons un peu maintenant. » Le Bonny, avec la sagacité particulière aux hommes de sa race, avait admirablement choisi son endroit. Telle était la configuration de son quartier de pêche, qu'il devait infailliblement trouver dans le lac non seulement les poissons des eaux courantes vivant dans la crique, mais encore ceux des savanes, ceux du Maroni et même quelques espèces habitant la mer, et que la marée amène jusqu'à ce point éloigné de près de 25 lieues de l'océan, c'est-à-dire presque toutes les variétés de la Guyane. L'attente fut courte. Angosso, de son œil émerillonné, aperçut bientôt quelques points indécis flottant au centre du lac, agités de légers remous. « Ça même, ou Cavigny côté barrage ?» Robin voulait y aller seul et laisser sa femme et ses enfants à la garde de Casimir et de Nicolas, mais ils insistèrent avec tant de chaleur qu'il les emmena tous. Comme la forêt était impraticable, ils montèrent dans la pirogue. Quel singulier spectacle s'offrit tout à coup à leur regard. De tous côtés, le lac bouillonne. À l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche du canot, des poissons de toutes couleurs, de toutes nuances, de toutes grosseurs, montent du fond à la surface, s'éclipsent un moment pour remonter, le ventre en l'air, et flotter comme s'ils étaient morts. Ils ne sont qu'étourdis, enivrés par le Nicou, incapables de fuir, de se cacher, de se défendre. Ils sont là, par milliers, ouvrant la gueule, dilatant leurs ouïes, battant l'eau de leurs nageoires paralysées, avec des gestes incohérents d'ivrognes. Les uns ont 10 centimètres, les autres jusqu'à 1,50 m. L'embarcation se dirige vers le barrage où tous arriveront infailliblement poussés par le courant. Angosso, pour ne pas perdre de temps, assomme au passage d'un coup de sabre quelques aymaras récalcitrants ou quelques requins-marteaux, méchant animal auquel il en veut particulièrement. Plus on approche du barrage, plus le fourmillement devient épais. Les enfants ravis battent des mains. Les cris de joie retentissent. Le canot peut à peine passer. Son étrave vient buter sur ce banc qu'Angosso entr'ouvre à grands coups de pagaie. C'est une fièvre, un délire, une véritable pêche miraculeuse. On aborde enfin, après une formelle recommandation de Robin, qui enjoint à ses fils de ne toucher aucun poisson, car un grand nombre sont dangereux, la piqûre de quelques-uns est mortelle. Il y a devant le barrage plus de 500 kilos de poissons ivres morts. Comment s'en emparer? Telle est la question adressée au Bonny par Robin, car il ne faut pas penser à descendre dans la crique au risque de mettre le pied sur une raie épineuse ou être happé par un pirail. Angosso sourit d'un air entendu et déroule sans mot dire son grand hamac, tressé en coton par les Indiens roucouyennes aux larges mailles, aux rabans solides, dans lesquels sont passés de longs amarres également en coton. Il le laisse avec une pierre, le fait descendre au fond de la crique, tient une des mares dans sa main, confie l'autre à Robin qui comprend du coup, puis tous deux, réunissant leurs forces, tirent jusque sur la rive le hamac transformé en filet et plein à éclater de tous les échantillons de la faune aquatique de la Guyane. Les plus gros sont régulièrement assommés à coups de sabre au moment où ils quittent leur élément et passent de vie à trépas comme les sectaires du vieux de la montagne après une copieuse absorption de haschich. Le hamac filet à peine vidé revient bientôt plein et un véritable monceau s'élève en dépit des protestations de Robin qui dit que c'est assez. Poisson plat, poisson rond, avec ou sans écailles, à la gueule hérissée, aux mâchoires lisses, aux dards empoisonnées, aux anneaux de serpent, aux formes étranges, glisse, roule, soubresaute. Parasis, mougil alba, vieille, loubine, mulet, turbo même, qui remontait le fleuve, ainsi que le superbe mâchoire en jaune, Silurus mistus, au reflet d'or, pesant 10 kilos. Aymara à la tête énorme, exquis en pimentade, Kumaru à la graisse savoureuse, Pirai boras, Redo douce, aux 3 ou 4 paires d'yeux couleur de brique, aux piquants redoutables, Kusami, Massoron, Carpe blanche, Kulimata, Lune, Ocaron, Barbaroche, véritable ventouse qui s'accroche aux rochers, monstrueux, bizarre, mais exquis, Santas, mêlé à je ne sais combien d'espèces, dont le nom ne figure dans aucun traité d'ichtyologie et qu'il faut désigner sous les noms que leur ont donnés les natifs. Tel, le coulant, le poisson agouti, à la tête évidée, ramassé à l'arrière, presque sans nageoire caudale, jaune roux comme l'agouti dont il rappelle la forme, le poisson madame, petit, tacheté comme la truite, le poisson crapaud, à la tête énorme de batracien, à la peau brunâtre, verruqueuse, délicieux, en dépit de l'horreur qu'inspire sa vue, la langue morte, le patagaï, le goret, le papou, le prapra, l'ayaya, habitant les vases, le coulant particulier aux eaux douces, le croupia, le zapat, ainsi nommé par les Noirs, parce qu'il sert d'appât, analogue à l'éperlan, etc. Parmi les espèces connues et souvent décrites, le gros yeux, Catus galbio, vivipare long de 12 à 20 cm, sans écailles, aux yeux énormes et saillants, d'une agilité prodigieuse. Il s'élance hors de l'eau et parcourt en une dizaine de bonds successifs jusqu'à 30 et 40 mètres. Il affectionne les rives plates et est tellement abondant sur certains points qu'on en tue souvent 2 ou 3 douzaines d'un coup de fusil chargé à plomb. C'est un manger sans pareil, ainsi que la tipa et le goret, qui sont pourvus d'une cuirasse analogue à celle du tatou, et d'où ils ne peuvent être retirés qu'après la cuisson. Enfin, pour clore cette longue et pourtant bien incomplète nomenclature, mentionnons un poisson bizarre entre tous, de la famille des silures, et nommé le pémécrou. Le bonnet venait de fendre dans la tête à l'un d'eux d'une taille colossale. Au grand étonnement de Robin, tout un clan de petits pérécrous, longs et gros comme une cigarette, s'échappèrent de ses branchies aux feuillets énormes et dilatés au point de former un gros bourrelet sous les ouïes. Comme il manifestait toute sa surprise, Casimir lui fit une courte description des mœurs de ce curieux poisson. Le pémécrou, au moment de la ponte, recueille les œufs de la femelle qui se loge dans les interstices semblables aux dents d'un peigne, dont la réunion constitue les branchies. Les petits éclosent et ne quittent pas, pendant les premiers jours, cet asile protecteur. Peu à peu ils grossissent et sortent sans s'éloigner de leur père, avec lequel ils marchent toujours de conserve. Au moindre danger, ce dernier ouvre ses ouïes comme une poule ses ailes, et tous les petits effarés viennent s'y blottir. « Ça, bon papa, mouché !» termina le noir. « Liquité piti !» quand piti fica fort. Il quitte ses petits quand ils sont devenus forts. Et comme Robin avançait la main pour saisir l'un d'eux et l'examiner de plus près, « Non, pas toucher sa bête là, compé. Li méchant, li pique et pas serré. » »« Ne touchez pas, compère. Il est méchant, et sa piqûre est aussi dangereuse que celle de la raie. » Angosso continuait toujours sa manœuvre, bien qu'il eût là du poisson en quantité suffisante pour rassasier 150 personnes. Mais le brave garçon ayant enivré une crique, il voulait que tous les habitants lui passassent par la main. La seule concession qu'il put faire fut de rejeter les plus petits. Ce monceau de victuailles la friandait. Il allait manger pendant 3 ou 4 jours, gaspiller, gâcher sans besoin, pour endurer la faim peut-être la semaine suivante. Qu'importe. Les noirs comme les peaux rouges ignorent l'économie. Quand on tue un maïpouri, un tapir, la tribu tout entière, nombreuse ou non, s'attable devant 5 à 600 kilos de chair et tous, grands et petits, jeunes ou vieux, se bourrent jusqu'à l'indigestion inclusivement. Il s'arrêta pourtant un moment à la vue d'une grosse anguille, longue d'1,50 m et qui, moins ivre que les autres habitants de la rivière ou peut-être déjà soustraite à l'influence du Nicou, fritillait entre les herbes. Robin leva son sabre. « Pas couper, les mouchés !» s'écria-t-il brusquement. Trop tard, la lame s'abattit sur la tête du malocope tégérien. Mais, phénomène étrange, le sabre échappa soudain à la main du proscrit et celui-ci ne put retenir un cri de surprise, presque de douleur. « Sa anguille tremblante !» dit Casimir. « Méchant bête, là !»« Oh, papa !» s'écrièrent les enfants. « Cela t'a fait mal, dit. »« Non, mes chers petits, » répondit-il en souriant. « Non, ce n'est rien. » Qu'est-ce que c'est alors qui t'a fait mal? Une anguille électrique. Oh, dit étourdiment Eugène. Une anguille électrique, comme un télégraphe. Mais non, rectifia doucement Henri. Je vais te dire ce que c'est. Je le sais bien, je l'ai lu. C'est un poisson qui produit de l'électricité comme quand on tourne très vite la roue de verre d'une machine électrique entre les deux coussins. Alors, quand on y met un doigt, cela donne une grande secousse. Eh bien, l'anguille donne aussi une secousse comme si elle avait une machine électrique dans la tête. « N'est-ce pas, papa, que c'est vrai ?»« À peu près, mon enfant, et ta petite définition ne manque ni de justesse ni d'à-propos. Elle est bien incomplète, mais suffisante pour le moment. Nous aurons l'occasion d'étudier plus tard à loisir ce singulier animal. Sachez seulement que son contact est très dangereux et que sa décharge électrique constitue pour lui un moyen d'attaque et de défense presque aussi terrible que la dent empoisonnée des reptiles. Soyez donc bien prudent. » Et ne touchez jamais un animal ou un insecte, quel qu'il soit, sans que je sois près de vous. Anguille tremblante, libon, quand lit boucaner, dit à son tour Casimir. Tiens, c'est vrai. J'avais oublié le boucanage. Mais je vois que si Ngosso ne dit rien, il n'en travaille pas moins. Il nous prépare à manger, dit à son tour Madame Robin, et nous ne pouvons même pas l'aider. Comme notre civilisation est maladroite comparée à leur prétendue sauvagerie. Nous sommes réunis depuis si peu de temps, et d'ailleurs, nous avons déjà enivré une crique, et dans peu d'instants, nous aurons appris à boucaner non seulement le poisson, mais encore toutes les variétés d'animaux comestibles. L'adresse de ce bonnier est vraiment surprenante. Quel incomparable bûcheron! Ngosso se démenait comme quatre. C'est que le brave garçon savait bien que tous les blancs avaient grand faim, que l'étiraillement de leur estomac, un instant apaisé par les jaunes d'œufs et le balata, allait recommencer plus douloureux que jamais. Il enfonça d'abord dans le sol 4 pieux fourchus qu'il réunit l'un à l'autre par 4 perches, de façon à posséder un carré parfait de 4 mètres, dépassant de 50 cm la surface de la terre. 20 à 25 gaules d'égale longueur furent simplement posés sur cette légère charpente, qui devint aussitôt un grill, conservant lui, son nom de boucané, de dimensions respectables. Les feuilles et les menues branches furent déposées sous ces barreaux parallèles. Puis le bonny saisit un nain et les poissons morts et les aligna dessus. Les enfants et leur mère voulaient l'aider dans cette facile besogne. Il s'y refusa énergiquement et pour cause. On ne manipule pas impunément de pareilles bêtes. Tantôt, c'était la large mâchoire d'un aymara agonisant qui se refermait brusquement et dont Ngosso évitait adroitement l'atteinte. Tantôt, c'était une raie qu'il saisissait délicatement et dont il enlevait les épines d'un coup de revers. Tantôt, enfin, une anguille tremblante qu'il décapitait. Le boucané était garni. Le noir alluma le monceau de feuilles et de branchages verts d'où se dégagea une épaisse fumée. Moins d'une demi-heure après, 2 autres grilles, de même dimension, fumaient comme des fourneaux de charbonnage, pendant que l'air s'emplissait d'effluves très appétissantes, ma foi, qui s'échappaient de ces primitifs et commodes appareils. Ce n'est pas tout. Le boucanage, on le comprend facilement, est institué dans le but de conserver les aliments en les desséchant et en les imprégnant de fumée. Les viandes ne doivent pas être cuites, ni même grillées, mais simplement séchées. Aussi, cette opération est-elle fort longue et assez difficile. Elle exige près de 12 heures de soins assidus. Si le feu ne doit pas être trop vif, il faut éviter de le laisser tomber. Le brasier ne doit être ni trop près, ni trop loin de la viande. On peut dire du boucanier ce que je ne sais plus quel grimaud de la Reynière disait du bon rôtisseur. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. Il faut naître boucanier, sous peine de rôtir sans retour une fournée. Aussi, Ngosso, tout en surveillant attentivement ses trois boucans, avait-il installé un petit brasier sur lequel crépitait en grillade un superbe aymara, en compagnie de 2 douzaines d'atipas et d'une superbe raie épineuse. Le premier dîner de famille des Robinson allait être un repas à dictophiage, auquel manquerait et le pain et le sel. Il n'en fut pas moins gai en dépit, ou plutôt à cause des protestations de Nicolas, qui pendant toute cette succession d'incidents bizarres et imprévus avait gardé un silence complètement inusité. Nicolas voulait du pain. Il ne lui semblait pas plus difficile de trouver sur les arbres un pain de munitions ou même un simple biscuit, puisque si le petit Henri avait lu dans le livre la description des anguilles électriques, lui, Nicolas, se rappelait parfaitement qu'on parlait d'arbres à pain. Tous les naufragés en avaient mangé, c'était imprimé. Tous les Robinsons possibles s'étaient nourris du fruit de l'arbre à pain. Il voulait, en sa qualité de Robinson de la Guyane, adopter le genre de nourriture habituel à ses collègues et devanciers. Il ne sortait pas de là, à la grande joie de ses amis petits et grands, qui trouvaient que le poisson, quand on a bien faim, est une excellente chose. « Mais, mon pauvre Nicolas, je vois que vos idées relativement aux produits de la zone torride américaine ont été déplorablement faussées. Vous vous imaginez que le jacquier, appelé par les naturalistes Artocarpus inquisa, ce qui vous laisse pour le moment bien indifférent, croit ici à l'état sauvage. Détrompez-vous, mon ami, il est originaire de l'Océanie. On l'a introduit aux Antilles et à la Guyane, mais il faut le cultiver, ou tout au moins le planter. Si l'on en trouve par place dans les forêts, c'est sur d'anciens abatis abandonnés. Alors il faudra nous passer de pain jusqu'à quand ? Calmez vos inquiétudes, nous aurons avant peu du manioc, et vous ferez leur connaissance avec la cassave et le tapioca. Oh, ce que j'en dis, c'est plutôt pour les enfants et pour leur mère que pour moi. Je n'en doute pas, mon ami, et je connais bien votre excellent cœur. Nous vivrons préalablement de poissons. D'autres l'ont fait souvent. Avant que nos provisions soient épuisées, nous aurons, je pense, assuré notre subsistance pour l'avenir. » Brusquement, le soleil s'éteignit. La clairière où campaient les Robinson ne fut éclairée que par les feux rougeâtres des boucans, sur lesquels crépitaient toujours les poissons, points lumineux perdus dans l'immensité, semblables à des lucioles immobiles. Jusqu'à présent, les proscrits, pressés d'échapper aux dangers de toutes sortes et à la faim, avaient à peine trouvé le moment d'échanger quelques pensées. Quand il est à ce point malheureux, qu'il a perdu tout espoir, quand un péril immédiat et mortel le menace, quand il dispute à chaque seconde un lambeau d'existence à la mort, l'homme n'est plus surpris de rien. Les événements les plus imprévus, heureux ou malheureux, le trouvent impassible et les faits les plus invraisemblables rentrent pour lui dans le domaine de la vie réelle. Tel Robin, il avait si souvent rêvé la liberté, il avait depuis si longtemps escompté par la pensée la joie d'être réuni aux siens. Aussi, tout en goûtant un bonheur surhumain, que nulle expression ne saurait décrire, sa surprise était relative. Son rêve le plus ardent avait pris une forme palpable, son vœu le plus cher était exaucé. Il ignorait pourquoi et comment, et il éprouvait à peine le besoin de le savoir, tant son âme était remplie. Les enfants dormaient déjà. Henri et Edmond reposaient dans le hamac du Bonny. 10 minutes d'exposition au soleil avaient suffi pour sécher cette couche transformée en engin de pêche. Madame Robin, assise près de son mari, tenait son jeune fils, Charles, endormi sur ses genoux. Robin regardait avec attendrissement le petit Eugène, que le sommeil avait surpris, les 2 bras noués au col de son père. Le mari racontait son évasion à sa femme, qui frissonnait malgré sa vaillance au récit des périls courus, des fatigues endurées. Elle détaillait à son tour les horreurs de la vie de misère subie à Paris, rappelait l'épisode de la lettre mystérieuse, les soins empressés et discrets tout à la fois dont elle avait été l'objet de la part d'inconnus, le voyage en Hollande, la traversée de l'Atlantique, l'arrivée à Suriname, les attentions presque respectueuses du capitaine hollandais qui parlait si bien le français. Robin écoutait ému non moins qu'intrigué. Quels pouvaient bien être ses bienfaiteurs? Pourquoi ses précautions? Pourquoi dissimulait-il, comme une mauvaise action, cet immense service? Madame Robin ne trouvait pas davantage d'explications plausibles. Elle avait encore en sa possession la lettre de l'homme d'affaires de Paris, l'écriture ne leur révéla rien. L'ingénieur pensait, et non sans quelque raison sans doute, que des exilés, échappés aux commissions mixtes, avaient consacré leur temps et leur fortune au soulagement de leurs frères qui pliaient sous la chaîne du bagne. Un proscrit, célèbre entre tous, A. B., avait pu se réfugier à La Haye. Peut-être y avait-il lieu de reconnaître son intervention dans l'évasion de Robin. Quant au capitaine Ducotre, Sa stature d'athlète, son urbanité, sa bonté, tout semblait le désigner au fugitif comme étant C, un officier de la marine française qui avait réussi à quitter Paris dans des circonstances dramatiques. C avait pris du service dans la marine marchande de la Hollande. Il croisait, à n'en pas douter, en vue des côtes de la Guyane, épiant une occasion favorable de venir en aide à ses co-religionnaires politiques. Cette hypothèse était raisonnable entre toutes. Les deux époux l'admirent sans peine, tout en bénissant les auteurs de leur bonheur, quels qu'ils fussent. Ce doux épanchement continuait sans qu'ils eussent la moindre notion des heures écoulées. Les enfants dormaient, le bonny, attentif au boucanage, tronçonnait les branches et les jetait sur des brasiers quand ils pâlissaient. Cet homme semblait charpenté en bois de fer. Ni les fatigues de la journée, ni les recherches du bois enivré, ni la manœuvre de la pagaie, ni la construction des carbets et des boucanets, rien enfin, ne semblait avoir de prise sur son organisme. Tout en continuant sa besogne, il jetait de rapides regards sous les sombres voûtes qu'ensanglantaient les brasiers. Il semblait inquiet, tourmenté. Un grondement sourd, accompagné d'un souffle puissant, lui fit dresser la tête. Ce bruit rappelait le ronron d'un chat, mais 100 fois plus fort. Puis, deux points luisants surgirent des herbes bordant la clairière et fixèrent les boucans. Robin l'interrogea à voix basse et apprit que ces deux lumières étaient produites par le rayonnement des yeux d'un tigre, à jeun sans doute, et qu'attirait l'odeur du poisson grillé. L'animal ne semblait pas d'ailleurs autrement pressé d'attaquer. En jugé par son ronron de matou en belle humeur, il était permis de penser qu'il était de caractère assez débonnaire. Pourtant, ce voisinage inquiétait Robin. Il saisit le fusil du bonny et se prépara à envoyer un lingot de plomb à l'indiscret visiteur. « Oh, moucher, pas besoin de fusil !» dit doucement Ngosso. « Coup fusil, réveillez enfant !»« Mo fika malice à tigla !» Le noir avait une bonne provision de piment, de ce fameux poivre de Cayenne avec lequel on assaisonne, faute de sel, les ragoûts équatoriaux. Une parcelle suffit pour donner à la ration d'un homme une saveur âcre, mordante, à laquelle on s'habitue peu à peu. Ngosso, riant à la perspective de la bonne charge qu'il allait faire, prit un gros poisson à peu près desséché, pratiqua plusieurs trous dans la chair, et y introduisit une demi-douzaine de baies de piment, puis il jeta à toute volée le poisson dans la direction où se tenait, comme un gros chat poltron, le tigre famélique. « Tiens, méchante bête gourmand, » dit-il en riant de plus belle. Robin opinait toujours pour le coup de fusil, mais si l'animal était seulement blessé, que deviendraient les enfants exposés à sa fureur? Du reste, à peine le poisson farci de piment avait-il touché la terre, que le félin l'enleva d'un coup de griffe, s'enfuit et disparut. Il dut l'avaler comme une fraise, bien qu'il pesât plus de 2 kilos. Moins d'un quart d'heure après, on l'entendit rugir près de la crique. Le bonny se tordait littéralement, sans que le proscrit, qui ignorait l'assaisonnement du souper, pût soupçonner la cause de cette joie. Robin s'enquit du motif de cette hilarité, et son compagnon ne fit aucune difficulté pour le lui exposer. Tigla gourmand passé indien, lit manger poisson avec piment, piment chauffé estomatique, fica sec passé fer blanc. Le piment rouge l'estomac du tigre et le rend plus sec que du fer blanc. Tig bumoso dit l'eau à la crique. Le tigre boit de l'eau de la crique. Et alors il va être enivré comme le poisson? Non, ni qu'on enivré poisson unso seulement. Libaï colique trop beaucoup à tout monde, à tout bête. Il donne de grandes coliques aux hommes et aux animaux. Entendez-li, pas content, non? Le félin, en effet, semblait très mal à son aise. Il poussait des cris plaintifs, soufflait, geignait, et grondait comme un chat en colère. Puis, désespérant sans doute, d'éteindre avec cette eau purgative le volcan qui flambait dans ses entrailles, il s'enfuit avec un grand bruit de branches froissées. Le campement des Robinsons redevint calme et silencieux.